la vie, c'est celui qu'on chante à 20 ans, celui que jamais l'on n'oublie, car la vie n'a qu'un seul printemps. Qu'importe les pires folies, aimez-vous pendant qu'il est temps. Le plus beau refrain de la vie, c'est celui qu'on chante à 20 ans. Chantez, chantez la jeunesse, chantez l'amour et le bonheur. La vie est pleine de promesses quand on en connaît la douceur. Oui, mais pour goûter cette ivresse, il faut laisser battre son cœur. Le plus beau refrain de la vie, c'est celui qu'on chante à 20 ans. Celui que jamais l'on n'oublie, car la vie n'a qu'un seul printemps. Qu'importe les pires folies, aimez-vous pendant qu'il est temps. Le plus beau refrain de la vie, c'est celui qu'on chante à 20 ans. Peux-tu refuser d'entendre l'appel joyeux de si beaux jours? Il n'est de souvenir plus tendre que celui des folies d'amour. Mais le cœur se lasse d'attendre, le temps perdu est sans retour. Le plus beau refrain de la vie, c'est celui qu'on chante à 20 ans. Celui que jamais l'on oublie, car la vie n'a qu'un seul printemps. Qu'importe les pires folies, aimez-vous pendant qu'il est temps. Le plus beau refrain de la vie, c'est celui qu'on chante à 20 ans.